Chapitre 7. Polymage. Le Polymage est un fleuve démesuré, mais son débit n'explique qu'en partie l'immensité du lac Chen. Un gigantesque réseau hydraulique souterrain alimente le fleuve et le lac, laissant supposer l'existence d'un véritable monde sous la surface de Gwendalavir. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. La piste grimpait régulièrement depuis le début de la matinée, au travers d'une forêt clairsemée de résineux et de chênes verts. Le temps était agréable, même si la fraîcheur du fond de l'air témoignait que l'automne s'était bel et bien installé. Le loup trottait à côté des chevaux, s'écartant parfois dans les fourrés jusqu'à ce que Camille le rappelle. Il revenait alors rapidement vers elle, la fixant de ses yeux jaunes qui semblaient attendre quelque chose d'incompréhensible. Les montures s'étaient habituées à lui. Elles ne bronchaient plus lorsqu'il surgissait d'un buisson, presque sous leurs sabots. Ils passèrent une croisée de chemin marquée par un empilement de pierres plates et un panneau de bois taillé en forme de flèche. Une inscription soigneusement gravée y figurait. La vue. Bjorn afficha une mine satisfaite. « La vue est une des meilleures auberges de la région, » expliqua-t-il. « L'heure de manger approche. Tu n'as pas faim, Mathieu ?» Un gros pansement ornait l'index gauche du jeune homme, résultat de son entraînement au sabre avec Siam. La frontalière avait entrepris de lui inculquer les rudiments de l'escrime. Chaque soir, la voyait endosser son rôle de professeur pour une leçon. La veille, elle avait expliqué à son élève pourquoi sortir et rentrer rapidement son arme était essentiel. Mathieu, qui se rappelait l'attaque des pillards, en était convaincu. Il s'était appliqué de son mieux. « N'oublie pas de secouer ta lame avant de la ranger, » avait-elle insisté. « Sinon elle sera couverte de sang et collera au fourreau. Tu la fais ensuite glisser sur ton index replié pour finir de la nettoyer et tu la rengaines. » Mathieu était toujours gêné lorsque Siam parlait de sang, avec aussi peu d'émotion. Mais il la trouvait si merveilleuse qu'il ne pouvait s'attarder sur ce détail. Il avait donc travaillé le geste jusqu'à ce que le fil acéré du sabre morde son doigt. La douleur avait été vive et le sang avait coulé abondamment. Le jeune homme s'entraînait avec l'arme utilisée par Camille pour son duel. Elle n'avait pas voulu la conserver. Elle était un peu courte pour lui, mais suffisamment dangereuse. Il avait laissé échapper un cri, sans émouvoir Siam qui, imperturbable, avait poursuivi sa leçon. « N'est qu'une coupure insignifiante, » avait-elle décrété, « sauf si elle détourne ton attention de ton adversaire. Auquel cas, la suivante risque fort d'être mortelle. Tiens-toi droit, reprends ta garde et finis ton geste. » Mathieu avait obéi, doutant d'être encore amoureux. Pourtant, un peu plus tard, lorsqu'elle l'avait pensé, il s'était senti fondre et avait souri largement en l'écoutant évoquer ses progrès. « Alors tu as faim ?» Les paroles de Bjorn eurent un effet immédiat sur son estomac. Depuis qu'il était arrivé en Gwendalavir, il mangeait comme deux, mais au contraire du chevalier, il ne prenait pas de poids. Ses journées étaient faites de grand air, de chevauchées et d'aventures. Il n'avait jamais ressenti un tel bonheur, et toutes ses activités décuplaient son appétit. Camille, s'apercevant que son frère salivait d'impatience, appela Elana. « Mathieu, suis la route tracée par Bjorn. » Peut-être le travail imposé par Siam ne suffit-il pas? Si tu t'en occupais également, je ne voudrais pas qu'il se mette à ressembler à un phoque. Un quoi? Éructa Bjorn. Est-ce que tu sais que j'ai coupé des têtes pour moins que ça, jeune insolente? Elana se tourna vers Camille sans prêter attention à la menace. Désolée, j'ai déjà un élève, il est en vacances pour l'instant. Mais dès qu'il sera opérationnel, il aura droit à une série de leçons de rattrapage dont il se souviendra longtemps. Camille lui lança un regard reconnaissant. Elle savait que la jeune marche-ombre, comme tous les autres, partageait sa peine. Jusqu'à Maître Douhomme qui, la veille, pour se faire pardonner, avait offert au loup la moitié de son repas, comme il l'aurait proposé à un camarade. « Ne te fais pas de soucis pour Mathieu, » intervint Siam. « Je surveille sa ligne. » Bjorn asséna une tape affectueuse sur l'épaule du jeune homme. « Méfie-toi, Mathieu, » lui conseilla-t-il. Quand tu ne peux pas combattre, il faut fuir, et je crois que pour toi, le moment est venu. Il remarqua le coup d'œil éloquent que Mathieu portait sur Siam. Trop tard, poursuivit-il sur un ton dramatique. Quelle idée stupide de tomber amoureux. Puis ses yeux s'agrandirent et il porta les mains à ses oreilles. Non, Elana, supplia-t-il, je retire ce que j'ai dit. Et jugeant que deux précautions valaient mieux qu'une, il s'éloigna au trot. L'auberge était bâtie au sommet d'une colline arrondie et rase, d'où le voyageur embrassait l'immensité du lac Chen. Seul un immense cèdre bleu poussait au bord de la piste, à une dizaine de mètres de l'entrée. Mathieu tira sur les rênes de pinceau et, impressionné, contempla le spectacle. « Déjà l'océan ? » s'exclama-t-il. « Je n'y comprends rien. Il devrait être au sud, pas à l'ouest, et beaucoup plus loin. » Une fois n'est pas coutume, Maniel se chargea des explications. Il ne s'agit pas de l'océan, mais du lac Chen. Il est tellement grand que, même d'ici, tu ne peux pas en voir l'extrémité. Il paraît que des baleines y vivent. Ta sœur en a vu une lorsque nous l'avons traversée pour aller éveiller les figés. Une dame, rectifia Camille. Pas une baleine, la dame du dragon. Mathieu réussit à s'arracher à la contemplation du lac, puis, en compagnie de Maniel et de Camille, il rejoignit les autres à l'intérieur de l'auberge. De nombreux voyageurs s'y étaient arrêtés. La salle, pourtant immense, était presque pleine. Avant d'entrer, Camille se pencha sur le loup. « Tu restes à côté de moi », lui murmura-t-elle à l'oreille. « Tu ne te fais pas remarquer, d'accord ?» L'animal se contenta de l'observer placidement et la suivit dans l'auberge. Björn avait déniché une table libre près du mur du fond et, quand elle prit conscience de la foule qui l'en séparait, Camille sentit son cœur accélérer. La plupart des convives les fixaient, captivés par le loup noir qui s'avançait à ses côtés. Elle prit une grande inspiration. « On y va !» chuchota-t-elle. Elle était heureuse que Mathieu et surtout Maniel soient à ses côtés, car elle s'imaginait mal supporter seule le poids de ses regards inquisiteurs. Il parvenait à la moitié de l'allée centrale lorsque Camille repéra un homme assis dans un angle de la salle, vêtu de cuir sombre, les traits maigres, presque émaciés. L'attention qu'il lui portait était beaucoup plus marquée que celle des autres clients de l'auberge. Malgré elle, Camille sursauta et un frisson désagréable lui traversa le dos. Un grognement sauvage la fit se retourner. Un trappeur, attablé avec un groupe de compagnons, essayait de retenir par le collier un chien puissamment bâti, court sur pattes, aux babines retroussées, que la présence du loup, ennemi héréditaire, rendait fou de rage. L'homme était sur le point de lâcher prise lorsque le loup daigna tourner la tête. Il planta ses yeux jaunes dans ceux du molosse. Ses oreilles se couchèrent imperceptiblement. Un grondement sourd sortit de sa gueule et ses crocs redoutables apparurent. L'effet fut radical. Les clients les plus proches reculèrent précipitamment, tandis que le chien s'aplatissait au sol, comme s'il avait souhaité y disparaître. Son maître se leva, un énorme coutelas à la main. Il se trouva face à Maniel. En dehors des batailles où il combattait avec férocité, Maniel était un homme débonnaire, discret, presque timide, et l'on oubliait souvent qu'il mesurait plus de 2 mètres et approchait les 150 kilos. Le trappeur, pourtant solide, parut tout à coup chétif, presque fragile. Maniel posa une main énorme sur son épaule. « Oui ?» articula-t-il, et même sa voix parut impressionnante. « Mais, » balbutia le trappeur, « c'est un loup !»« Non, » affirma Maniel. « Ce n'est pas un loup, c'est un ami. Ça te pose un problème ?» La seule réponse qu'il reçut fut un borborygme peu compréhensible. « Parfait !» estima Maniel. « Bon appétit !» Il accentua la pression de sa main et le trappeur, écrasé, se rassit précipitamment. Ses compagnons hésitèrent un bref instant, puis ayant jaugé la taille et la composition du groupe qui attendait Maniel, décidèrent de tirer un trait sur l'affaire. Le loup s'était désintéressé du chien. Camille lui caressa le flanc en soufflant de soulagement. Elle se rappela soudain l'homme en noir et tourna la tête dans sa direction. Sa place était vide. « Venez !» lança Maniel. « Je crains que Björn ne nous ait pas attendus pour tout manger. »